Du langage du démon. Chapitre 17. Que nous devons fermer l'oreille au langage du démon, et particulièrement lorsqu'il s'efforce de nous inspirer de l'orgueil pour nous tromper et nous perdre, des moyens dont on doit se servir pour ne le point écouter. Comme le démon n'a pas moins de divers langages que de diverses malices, ils sont innombrables, et comme Jésus-Christ est la source de tous les biens répandus dans les âmes de ceux qui lui obéissent, le démon, ce père de mensonges, est comme la source de tous les péchés, qui font tomber dans une perte éternelle ceux qui se laissent aller à ces malheureuses persuasions. Ces artifices sont si grands, qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui soit capable de les découvrir. J'en dirai, ma chère fille, quelque chose en peu de paroles, et remettrai le reste à ce qu'il plaira à Jésus-Christ, qui peut seul nous en instruire, de vous en faire connaître. On donne divers noms à cet esprit malheureux, afin de faire entendre quelles sont ses différentes malices, mais je ne parlerai que de deux, qui sont ceux de dragon et de lion. Le premier marque, comme dit saint Augustin, qu'il nous dresse des embûches comme le dragon, et le second, qu'il nous attaque quelquefois ouvertement, comme le lion. Dans les embûches qu'il nous dresse, il emploie la vanité et le mensonge, pour nous faire tomber par une chute d'autant plus grande, que nous nous élevons davantage. Il commence par nous faire concevoir une bonne opinion de nous-mêmes, et ensuite de l'orgueil, et comme il sait par sa propre expérience que ce mal est si grand qu'il a été capable de le rendre, d'ange qu'il était, un démon, il n'y a point d'effort qu'il ne fasse pour nous rendre participants de son crime, afin que nous le soyons de ses tourments. Il sait que l'orgueil est si désagréable à Dieu, qu'il rend inutile tout le bien que nous pourrions faire, quelque grand qu'il fût, et il travaille avec tant d'artifices à jeter dans nos âmes la semence de ce détestable péché, que souvent il nous dit des vérités, nous donne de bons conseils et nous inspire des sentiments de dévotion, afin de nous porter insensiblement à le commettre, car il ne se soucie pas que nous fassions quelque bien, pourvu que nous tombions dans un malheur qui en attire tant d'autres après lui. L'Écriture dit que l'orgueil est le principe de tous les maux, et qu'il est suivi de toutes sortes de malédictions. Ecclésiaste 10, c'est à dire de péché et de châtiment. Nous lisons d'un solitaire, que le démon lui apparut durant un long temps sous la figure d'un ange de Dieu, lui révélait plusieurs choses, et rendait toutes les nuits sa cellule resplendissante de lumière. Mais qu'enfin ce solitaire ayant un fils, il lui persuada de le tuer pour acquérir un mérite égal à celui d'Abraham, et que lorsqu'il était sur le point d'exécuter une si damnable résolution, son fils en eut quelques soupçons et s'enfuit. Cet esprit malheureux apparut à un autre solitaire sous la figure d'un ange, lui dit plusieurs grandes vérités pour gagner créance dans son esprit, et, après, il le trompa, en lui persuadant une grande erreur contre la foi. Nous apprenons qu'un autre, après avoir passé 50 ans dans une très étroite abstinence et une plus grande solitude qu'aucun de tous ceux du désert où il était, le démon, sous la figure d'un ange, lui persuada de se jeter dans un puits très profond, afin de connaître par expérience qu'après avoir servi Dieu si longtemps et dans de si grandes austérités, il n'avait rien à appréhender, ce qu'il exécuta, et ayant été avec grande peine retiré à demi-mort de ce puits, quoique les saints vieillards de ce désert puissent lui représenter, pour lui faire connaître que le démon l'avait trompé, et le porter à se repentir de l'avoir cru, ils ne le purent jamais, son erreur ayant fait une si forte impression sur son esprit, Qu'encore qu'il mourût 3 jours après de cette chute, il demeura toujours persuadé qu'il n'avait rien fait que par une révélation d'un ange de Dieu. On peut juger par de si terribles exemples, combien il importe, même aux plus vertueux, de vivre toujours dans la défiance d'eux-mêmes, puisque, quelque sujet que l'on ait de croire que l'on est bien avec Dieu, on n'en a point de certitude, et que l'on ne sait si l'on est digne d'amour ou de haine, ni pour le présent, ni pour le temps que l'on a encore à vivre. Mais il faut surtout se bien garder de se confier en soi-même, parce que, dit excellemment saint Augustin, les orgueilleux méritent d'être trompés. Que si, comme je vous ai rapporté quelques-unes des tromperies du démon dans les siècles passés, je voulais vous dire celles qu'il fait encore tous les jours, à peine un volume y pourrait suffire, et je me rendrais ennuyeux. Il est certain, selon ce que nous en pouvons juger, que Dieu répand dans quelques âmes des grâces si particulières, qu'elles leur font non seulement produire de bonnes œuvres extérieures, mais avoir une communication intérieure et familière avec lui, qui n'est pas presque croyable. Et l'on voit d'un autre côté que, par sa permission, le démon fait en ce temps plus d'efforts que jamais pour tromper, par de faux sentiments de piété, de faux raisonnements et de fausses lumières d'esprit, ceux qui sont superbes et amis de leur propre sens, sous prétexte de dévotion, non seulement pour les punir de leur orgueil, mais aussi pour exercer ceux qui servent Dieu avec humilité, et les obliger à se tenir sur leur garde. C'est pourquoi dans un siècle tel que celui-ci, où il semble, comme dit saint Jean dans son Apocalypse, que Dieu lâche la bride aux démons, les gens de bien doivent moins que jamais ajouter foi à de semblables choses, et demeurer dans une profonde humilité et une sainte appréhension, afin que Dieu ne permette pas qu'ils soient trompés. Ils doivent dans ces rencontres rendre aussitôt compte à leur directeur de ce qui se passe en eux, pour être instruits par eux de la manière dont ils auront à s'y conduire. David dit que les méchants ont sur leurs lèvres un venin d'aspic, psaume 13, 5. À combien plus forte raison les discours du démon sont-ils dangereux et empoisonnés, puisqu'il est plus méchant que tous les serpents ensemble? Ainsi lorsque, pour nous donner de la vanité, il exagère nos bonnes actions, humilions-nous au lieu de nous glorifier, en considérant les péchés que nous avons commis et ceux que nous commettons encore, car ils sont en si grand nombre, que si Dieu, par son extrême miséricorde, ne venait à notre secours et ne nous arrêtait dans le chemin où nous courons avec tant d'ardeur pour nous éloigner de lui, comme il arrêta saint Paul, nos péchés s'augmenteraient de telle sorte à mesure que nous avancerions dans l'âge, que les tourments de l'enfer ne suffiraient pas pour les expier. Ô abîme de miséricorde, qui a pu vous porter, Seigneur, à nous crier du haut du ciel comme à ce grand apôtre, pourquoi me persécuter, vous par vos actions criminelles? Ces divines paroles seraient capables de nous guérir de notre orgueil et de nous faire trembler par la douleur de vous avoir offensé, et le désir de vous plaire nous ferait dire Seigneur, que voulez-vous que nous fassions, puisque vous êtes mon sauveur? Le souverain médecin de tous nos maux ne nous permettrait-vous pas de concevoir cette espérance en usant du remède salutaire de votre sainte parole et de vos sacrements? Vous nous le permettrez sans doute, et nous enverrez à vos ministres pour nous les dispenser, comme vous envoyâtes ce grand apôtre à votre serviteur Ananie. Nous savons, mon Dieu, que votre perte vient de nous-mêmes, et que notre salut ne peut venir que de vous. Nous confessons que c'est par une bonté infinie que vous appelez ceux qui se sont éloignés de vous, que vous vous souvenez de ceux qui vous ont oublié, que vous faites des faveurs à ceux qui ont mérité des châtiments, que vous prenez pour vos enfants de misérables esclaves et que vous ne dédaignez pas d'établir votre demeure dans des âmes souillées de 1000 péchés. Il est vrai, Seigneur, et nous le reconnaissons, que nous étions dans un état si déplorable, et que si nous n'y sommes plus, c'est par vous et en vous que, par un heureux changement nous sommes ce que nous sommes, selon ces paroles de saint Paul. Vous étiez autrefois ténèbres, et vous êtes maintenant lumière au Seigneur. Philippiens 5. Mais pour demeurer en sûreté dans cet état où il a plu à Dieu de nous mettre, il faut nous souvenir de celui où nous nous trouvions réduits par notre faute, et ne point douter que nous y retomberions sa main toute, puissante ne nous soutenait. Que si nous considérons à combien de périls notre faiblesse nous expose, l'appréhension de tomber dans le péché nous empêcherait de nous réjouir du bonheur dont nous jouissons, et nous ferait profiter de ce sage conseil de l'Écriture, « Heureux celui qui vit toujours dans la crainte. » Psaume 111. Opérez votre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. 1 Corinthiens 10. Il faut gémir pour obtenir le pardon des péchés que l'on a commis, et il faut aussi gémir par la crainte d'en commettre d'autres qui nous fassent avoir besoin d'un nouveau pardon. Jacob nous en donne un exemple par l'appréhension qu'il eut d'Ésaü à son retour de Mésopotamie, quoique Dieu lui eût commandé d'en revenir, quand Dieu, par un si grand miracle fit passer la mer à pied, c'est qu'aux enfants d'Israël, leur joie d'avoir été délivrés d'un péril qui leur donnait sujet de croire que nuls autres ne seraient capables de les empêcher de jouir de l'heureuse terre qu'il leur avait promise, leur fit chanter des cantiques à sa louange, mais leurs suites furent bien différentes des sentiments qu'ils avaient alors, leur défiance des promesses de Dieu, leur impatience dans les travaux, leur découragement dans les périls et leur continuel murmure, firent que par un juste châtiment, au lieu de posséder cette heureuse terre, ils moururent tous dans le désert, à la réserve de ce très petit nombre qui demeurèrent fidèles à Dieu. Qui sera donc celui qui, considérant les péchés qu'il a commis depuis qu'il est au monde, et ceux qu'il peut commettre durant le temps qui lui reste encore à vivre, sera si insensé que d'oser s'enfler d'orgueil, puisqu'étant si misérablement tombé, le passé le doit faire trembler pour l'avenir? Si nous sommes bien persuadés que tout ce que nous avons de bon vient de Dieu, ne devons-nous pas, au lieu de nous élever de ses faveurs, nous humilier encore davantage comme étant obligés à une plus grande reconnaissance? Puis, comme dit saint Grégoire dans l'une de ses homélies sur l'Évangile, que les grâces que l'on reçoit sont un fardeau dont le poids doit nous faire gémir par l'appréhension de ne le pas porter avec assez de courage et d'humilité. Mais, parce que notre légèreté est si grande et notre orgueil si avant enraciné dans notre cœur que nous sommes incapables par nous même de nous en délivrer, nous devons avoir recours à Dieu pour le prier instamment de ne pas permettre que nous soyons si méchants et si ingrats que de vouloir lui dérober la gloire qui lui est due d'être l'auteur de tout le bien. Comme le jeûne est un excellent remède contre les tentations de la chair, l'oraison n'en est pas un moins salutaire contre l'orgueil. Ainsi, lorsque l'on s'en sent attaqué, il faut prier Dieu avec ardeur et avec persévérance de nous ouvrir les yeux pour connaître quel il est et quel nous sommes, afin que nous lui attribuions tout le bien, et à nous tout le mal. Par ce moyen, nous fermerons l'oreille au discours de cet esprit malheureux, qui s'étant perdu par son orgueil, s'efforce de nous en inspirer pour nous perdre. Et nous écouterons la voix de Dieu qui nous dit que la créature n'a point de gloire et ne mérite aucune estime par elle-même, mais que toute sa gloire consiste dans les faveurs qu'elle reçoit de son Créateur et dans l'amour qu'il a pour elle, comme je traiterai plus amplement ce sujet lorsque je parlerai de la connaissance de nous-mêmes, je n'en dirai pas ici davantage. Chapitre 18. Que le démon nous tend un piège tout contraire à la présomption, qui est le désespoir, et de quelles armes nous devons nous servir pour le combattre. Le démon, par un artifice tout contraire à celui qui inspire de l'orgueil et dont nous venons de parler, nous représente tous les péchés que nous avons commis et les exagère autant qu'il peut, afin de nous étonner et nous décourager d'une telle sorte que, ne pouvant supporter une si grande peine, nous tombions dans le désespoir. Ce fut ainsi qu'il agit envers Judas. Il lui ôta la connaissance de la grandeur de son péché lorsqu'il le portait à le commettre, et après qu'il l'eut commis, il le lui fit voir aussi épouvantable par toutes ses circonstances qu'il l'était en effet et l'empêcha lui-même tant de se souvenir de l'infinie miséricorde de Dieu, ce qui le fit tomber dans le désespoir, et par le désespoir dans l'enfer. Ainsi, en mettant aux uns devant les yeux leurs bonnes œuvres et leur cachant les mauvaises, il leur donne de l'orgueil, et en représentant aux autres leurs péchés et leur ôtant le souvenir de l'extrême bonté de Dieu, il les jette dans le désespoir, mais comme le moyen de nous défendre de ce premier artifice est de nous humilier autant que cet esprit malheureux veut nous persuader de nous élever. En considérant que si nous nous avons les plumes d'un paon nous en avons aussi les pieds, et que le nombre de nos péchés serait encore beaucoup plus grand si Dieu ne nous avait préservés, le moyen de nous défendre de ce second artifice, dont le démon se sert pour nous porter dans le désespoir, est de détourner nos yeux de la vue de nos péchés pour ne considérer que la miséricorde de Dieu. Et le bien que nous avons fait par son assistance. Puisque lorsque nos péchés nous font la guerre pour nous porter au désespoir, il nous est permis de nous souvenir de nos bonnes œuvres, ainsi que Job et le roi Ézéchia nous en donnent l'exemple, Job 23, 4, roi 20. Nous ne devons pas néanmoins mettre en elle notre confiance comme si nous avions droit de nous les approprier, ce qui serait pour éviter un précipice, tomber dans un autre, mais pour nous faire espérer de la miséricorde de Dieu, puisque, s'il nous tient compte même d'un verre d'eau froide donné en son nom, il ne laissera pas sans récompense le bien que nous avons fait par l'assistance de sa race. Et ne nous abandonnera pas dans le milieu de la carrière où il nous a fait entrer pour son service. Comme il est tout parfait, ses œuvres sont aussi toutes parfaites, et il a plus fait pour nous rendre ses amis lorsque nous étions ses ennemis, qu'il ne le fera en nous conservant son amitié. Philippiens 1. Saint Paul nous l'apprend par ses paroles. Si lorsque nous étions ennemis de Dieu nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils, à combien plus forte raison étant maintenant réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son même Fils, Romains 5, 10. Car, si la mort a eu le pouvoir de ressusciter les morts, la vie n'aurait-elle pas le pouvoir de conserver la vie aux vivants? Si Dieu nous a aimés lorsque nous le haïssions, nous haïra-t-il lorsque nous l'aimons? Ne craignons donc point de dire, avec ce grand apôtre, nous avons une ferme confiance que celui qui commence en nous le saint ouvrage de notre salut l'achèvera et le perfectionnera de plus en plus jusqu'au jour de Jésus, Christ. Philippiens 1, 6. Que si le démon nous veut troubler en exagérant nos péchés, considérons que ce n'est pas lui que nous avons offensé, et que ce ne sera pas lui qui nous jugera, mais que c'est Dieu qui sera notre juge et le sien. Ainsi, au lieu de nous affliger de ce que cet esprit infernal nous accuse, consolons-nous de ce que Jésus-Christ, qui est tout ensemble notre partie et notre juge, nous pardonne et nous absout par le moyen de la pénitence et des autres sacrements de son Église, disons avec ce même apôtre, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, s'il n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré à la mort pour nous, que ne nous donnera-t-il point après nous l'avoir donné? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu même qui les justifie. Romains 8, 35. Après tant de témoignages et d'assurances de l'extrême bonté de Dieu, nous ne saurions trop espérer qu'il achèvera son ouvrage en nous accordant les grâces qui nous manquent, comme il nous en a déjà accordé d'autres. Nos péchés ne doivent point nous effrayer, puisque le Père éternel, au lieu de nous punir comme nous l'avons mérité, en a fait porter la peine à son Fils unique, afin de nous en accorder le pardon si nous nous mettons en état de le recevoir, puisqu'il lui a plu d'oublier nos offenses. Que sert au démon de crier qu'étant juste comme il est, il doit nous punir? Sa justice n'a-t-elle pas puni, sur la croix, tous les péchés du monde en la personne de Jésus-Christ? Cet agneau sans tache, émit ainsi tous les coupables, par la rédemption qu'il leur a acquise en état d'obtenir le pardon en recourant à lui par la pénitence, car y aurait il de la justice de condamner un pénitent à souffrir les peines de l'enfer pour des fautes déjà expiées par le sang d'un Dieu? Je dis de les punir par les peines de l'enfer, à cause que j'entends parler d'un pénitent baptisé qui, par le moyen de la pénitence, reçoit le pardon d'avoir perdu la grâce, et qu'ainsi la peine de l'enfer, qui est éternelle, est changée en une peine temporelle, par laquelle il satisfait Dieu ou en cette vie par de bonnes œuvres, ou dans le purgatoire par des peines limitées. Mais il ne faut pas s'imaginer que ce que la peine n'est pas entièrement remise au pénitent, vienne de ce que la rédemption que Jésus, Christ nous a acquise ne soit pas pleinement suffisante pour nous délivrer entièrement de peine, puisqu'elle est plus que suffisante comme dit David, Psaume 129, mais c'est que notre pénitence n'est pas aussi grande qu'elle devrait être, car un pénitent peut avoir une aussi grande confusion et une si vive douleur de ses péchés, qu'il sort du confessionnal aussi pleinement absous de la culpe et de la peine que s'il venait de recevoir le saint baptême qui ôte l'une et l'autre à celui-là même qui ne le reçoit pas dans une disposition si parfaite. Il faut donc que tout le monde sache que cette huile précieuse qui coula des plaies de Jésus-Christ, notre divin Élysée, au jour de sa passion, et qui est répandue dans ses admirables sacrements, est capable de guérir toutes nos plaies, et, après nous avoir fait vivre de la vie de la grâce, nous faire jouir de celle de la gloire. Mais comme cette bonne veuve présenta des vaisseaux à ce prophète pour recevoir l'huile qu'il multiplia par un miracle, il faut que nous offrions à Jésus, Christ, des dispositions propres à recevoir les effets de sa sacrée passion qui est, comme je l'ai dit, plus que suffisante pour effacer tous les péchés du monde. Chapitre 19. Combien Dieu nous a fait de grâce en nous donnant Jésus-Christ son Fils unique, et combien elles doivent nous fortifier contre le désespoir. Ce n'est pas sans raison que Dieu se plaint par ses apôtres de l'ingratitude des hommes qui oublient l'obligation infinie dont ils lui sont redevables, au lieu de lui en rendre de continuelles actions de grâce. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'aucun de ceux qui croient en lui ne se perde, mais qu'ils aient tous la vie éternelle. Jean 3, 16. Toutes les autres grâces que Dieu nous a faites sont comprises dans celles-là, comme les moindres dans la plus grande et les effets dans leur cause, car il est certain qu'ayant bien voulu que nos péchés fussent expiés par un si grand sacrifice, il a fait tout ce qui dépendait de lui pour les pardonner, qu'en nous donnant un si puissant médiateur, il nous a donné aussi tout ce qui dépendait de ce médiateur, qu'en nous donnant son Fils et un Fils qui est Dieu comme lui, et le faisant naître dans le monde pour notre salut, il ne veut pas nous refuser ce qui nous est nécessaire pour profiter de tant de grâces, et qu'ainsi si elles nous sont inutiles, c'est de nous seuls et non pas de lui que nous avons sujet de nous plaindre. Saint Paul nous l'apprend par ses paroles, Dieu en nous donnant son Fils nous a tout donné, Romains 8. Puis donc il nous a donné tout ensemble le pardon de nos péchés, la grâce et le ciel, ne serons-nous pas bien malheureux de perdre tant de biens joints ensemble par notre négligence à en profiter, et d'être ingrats envers un tel bienfaiteur? On ne pourrait trop blâmer un homme qui se laisserait mourir de faim, de froid et de toutes sortes de misères, manque de vouloir faire 2 ou 3 lieues de chemin pour aller recevoir un legs qui ne serait pas seulement capable de le délivrer de ses incommodités, mais de l'enrichir et le mettre dans un plein repos. La rédemption que Jésus-Christ nous a méritée est si abondante en grâce, qu'encore que l'obligation que nous avons à Dieu de nous pardonner nos péchés surpasse tout ce que nous saurions nous imaginer, le mérite de la passion et de la mort de Jésus-Christ est plus élevé, dit saint Augustin, au-dessus de ce dont nous étions redevables à Dieu que le ciel ne l'est au-dessus de la terre. Est ce donc que nous croyons que les tourments et la mort dont l'homme coupable s'était rendu digne, n'aient pas été assez bien payés par les tourments, les outrages et la mort soufferts par un homme non seulement juste, mais Dieu et homme tout ensemble? Il faut avouer que la grâce qu'il fait à des vers de terre tels que nous sommes, de nous prendre pour ses enfants, est incompréhensible. Mais pour nous empêcher d'en pouvoir douter, saint Jean dit, le Verbe a été fait chair, Jean 1. Ainsi, pour n'avoir point de peine à croire que Dieu fait l'honneur aux hommes de les adopter pour ses enfants, il ne faut que considérer cette autre beaucoup plus grande merveille, que le Fils de Dieu s'est fait homme et a pris naissance d'une vierge. N'est-ce pas aussi une autre merveille qu'un homme terrestre jouisse de Dieu dans le ciel avec une gloire ineffable en la compagnie des anges? Et n'est-ce pas aussi une autre incomparablement plus grande merveille qu'un Dieu, après avoir souffert les tourments et les opprobres de la croix, soit mort entre 2 voleurs, et ne nous a pas seulement fait obtenir le pardon de nos péchés, mais une si grande abondance de bénédictions, que, de stériles que nous étions en bonnes œuvres, elles nous ont fait produire qui nous rendent dignes du ciel? C'est ainsi que Sarah, de stérile qu'elle était et si avancée en âge, devint féconde et mère d'Isaac, dont le veau gras qu'Abraham tua pour donner à manger aux anges qui lui avaient annoncé une si bonne nouvelle représentait Jésus-Christ offert pour nous en sacrifice, car, ce sacrifice sanglant a été si agréable à Dieu, qu'il lui a fait changer en notre faveur sa colère en douceur, et sa malédiction en bénédiction parce qu'il en a été beaucoup plus touché qu'il ne l'est de tous les péchés du monde. Pourquoi donc nous désespérerions-nous, puisque nous avons pour remède de nos maux un Rédempteur homme et Dieu tout ensemble dont les mérites sont infinis? Il a, par sa mort, donné la mort à nos péchés d'une manière beaucoup plus puissante que Samson ne donna par sa mort, la mort à ceux qui triomphaient si insolemment de lui. Ainsi, quand on aurait été aussi méchant que le démon qui veut nous porter au désespoir, On doit se confier en Jésus-Christ, cet agneau qui ôte les péchés du monde, et dont il a été prophétisé qu'il abîmerait tous nos péchés dans le fond de la mer, qu'il serait consacré par le Saint des Saints, et qu'il régnerait avec une éternelle justice, car si nos péchés sont ainsi abîmés, étouffés et effacés, quel sujet avons-nous de craindre les démons, puisqu'étant vaincus ils n'ont plus de force et ne peuvent plus, par leurs artifices, nous jeter dans le désespoir. Chapitre 20. Des moyens dont le démon se sert pour nous empêcher de profiter des avis précédents et qu'au lieu de nous étonner nous devons redoubler notre courage en considérant la miséricorde infinie de Dieu. Mais il me semble que j'entends ceux qui sont lâches et faibles répondre à ce que je viens de dire qu'ils ont sujet de craindre, et peut-être de croire que le sang répandu par Jésus-Christ ne leur ayant point été appliqué, il ne leur sert de rien pour le salut, puisqu'encore qu'il soit mort pour tous les hommes, il y en a plusieurs de damnés, non par le défaut du mérite de ce sang, mais parce qu'ils ne sont pas assez bien préparés pour en profiter, et que c'est ce qui cause leur désespoir. Je réponds qu'encore que ce qu'ils disent soit vrai, ils ne laissent pas d'avoir tort, et Saint Bernard le fait voir par ses paroles, pour faire que notre conscience nous rende un témoignage qui nous donne la joie de pouvoir bien espérer de notre salut. Il ne suffit pas de croire en général que la mort de Jésus-Christ a mérité le pardon de nos péchés, mais il faut se confier en Dieu et avoir des conjectures qu'il nous appliquera ce pardon, en particulier s'il nous trouve dans les bonnes dispositions que l'Église demande, puisque ceux qui ne sont que dans ce premier état peuvent se porter au désespoir. Mais ceux qui sont dans le second n'ont garde de tomber dans ce malheur, n'étant pas possible d'espérer et de désespérer en même temps. Nous devons considérer que notre Père Céleste nous ayant, par un excès de sa bonté et de son amour, donné son Fils, et ce divin agneau étant mort pour nous nourrir de sa propre chair et nous conserver ainsi la vie, nous devons agir avec courage et une ferme confiance en Dieu d'avoir part à la rédemption que ce divin Sauveur nous a méritée. Puisque pour obtenir le pardon de nos péchés, il n'est pas besoin que Jésus-Christ souffre de nouveau tant de tourments et meure une seconde fois, quelle apparence y aurait, il qu'après nous avoir conviés à ce céleste banquet qui lui a coûté la vie pour nous nourrir de lui-même en recevant son propre corps, il voulut nous renvoyer à jeun et changer ainsi en douleur la joie de la faveur qu'il nous avait faite. Rien n'est sans doute plus éloigné de son intention. Bien loin de se plaire en la mort des pécheurs, il veut qu'ils se convertissent et qu'ils vivent, et ce n'a été que pour ce sujet qu'il est mort sur une croix. Il ne faut pas s'imaginer que pour jouir de cette heureuse rédemption on soit obligé à l'impossible, ou au moins à des choses si difficiles que notre faiblesse étant si grande, il y est sujet de désespérer de les pouvoir accomplir. Un soupir vers Dieu, poussé du fond du cœur et qui procède de la douleur d'avoir offensé un tel Père, avec dessein de se corriger, et une humble confession à un prêtre nous font entendre ces paroles si pleines de consolation, « Je vous absous de tous vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que s'il vous semble, ma chère fille, que votre douleur n'est pas telle qu'elle devrait être, ne vous découragez pas néanmoins. Le désir que notre Seigneur a de nous sauver y suppléera par la vertu du sacrement, en vous faisant passer de l'attrition à la contrition, et si cela ne suffit pas pour vous rassurer, ne vous imaginez pas de le pouvoir par vous-même, mais ayez recours à Dieu, et demandez-lui, au nom de Jésus-Christ, de vous faire ressentir vivement vos fautes, de vous en corriger, de vous en confesser, et qu'il lui plaise de vous assister dans tous vos besoins. Il est si bon, qu'il n'y a rien que vous ne deviez attendre de sa miséricorde, et il vous inspirera, pour vous pardonner, la disposition dans laquelle vous devez être pour obtenir ce pardon. Que si, après tout ce que je viens de dire, vous ne vous trouvez pas consolé, ne perdez pas néanmoins courage, mais continuez, et d'autres confessions pourront vous procurer le soulagement que vous n'avez pas rencontré dans la première. Selon ces paroles de David, faites-moi entendre une parole de consolation et de joie, et toutes les puissances de mon âme que vous avez abattues et humiliées tressailliront d'allégresse. Psaume 50, 9. C'est là l'effet que produisent les paroles de l'absolution sacramentale, car, encore qu'elles ne donnent pas une telle certitude du pardon que l'on en puisse douter, elles donnent au moins tant de soulagement et de consolation en relevant les forces de l'âme abattue par le péché, qu'elles ne se lassent point d'avoir recours à la bonté de Dieu, et engagent ainsi ce Père de miséricorde à Léo. Devant de cet enfant prodigue, de le combler de grâce et de se réjouir d'avoir recouvré, par la pénitence, celui qui s'était perdu par le péché. C'est une chose qui paraît incroyable que Dieu traite des pécheurs avec tant d'amour et de bonté, après avoir traité son Fils unique, et qu'il aime comme lui-même, avec tant de sévérité et de rigueur. Lorsqu'il portait la peine de nos péchés, qu'il ne lui ait pas remis la moindre chose de ce qui pouvait satisfaire entièrement sa justice, mais après cela il a fait comme le lion qui, lorsqu'il est rassasié, n'a plus que de la douceur, car au lieu de juge courroucé qu'il était, il nous traite en père très charitable. Chapitre 21. Que la considération de l'extrême bonté de Dieu, qui est toujours prêt à pardonner à ceux qui implorent sa miséricorde, doit suffire pour empêcher de tomber dans le désespoir. Le péché est un poison si dangereux et rend l'âme si difforme, que l'on ne saurait considérer sans horreur quel il est en soi, contre qui nous le commettons. Les biens qu'il nous fait perdre et les châtiments dont il nous menace, ce qui a fait dire à David, tout courageux qu'il était, mon cœur tombe en défaillance, psaume 39, 17. Mais nous avons fait voir que Dieu ne laisse pas sans remède un si grand mal, et afin que ceux qui en ont besoin en profitent, je ferai connaître combien grande est sa miséricorde envers les personnes qui ont recours à sa clémence. Lorsque le démon s'efforcera, comme je l'ai dit, de vous accabler et de vous faire perdre courage en vous représentant la multitude et la grandeur de vos péchés, ne lui répondez point, mais ayez recours à Dieu et lui dites, « Votre bonté, mon Dieu, et si grande que vous me pardonnerez mes péchés, et s'il vous fait connaître quelle est la force de ce peu de paroles, vous n'aurez garde de tomber dans le désespoir. Quelque grand que soient vos péchés, il vous fera grâce comme un souverain l'accorde quelquefois à un criminel qui étant accusé devant lui de plusieurs crimes, non seulement les avoue, mais confesse en avoir commis encore davantage et implore sa clémence. Dieu exerce sa justice et sa miséricorde lorsqu'il examine nos péchés, car si d'un côté il l'irrite et le porte à vouloir nous en châtier, il attire d'un autre côté d'autant plus sa miséricorde que la compassion qu'il lui donne est plus grande, parce qu'il ne considère pas tant l'offense qu'il en reçoit que le malheur dans lequel il nous précipite, et qui est le plus grand qui nous saurait arriver, puisque, si sa bonté ne venait à notre secours, nous serions pour jamais un objet de sa colère. Il y a deux sortes de grands pécheurs, dont les uns, Désespérant de leur salut, comme Caïn, n'ont plus aucune pensée de Dieu, mais se plongent, ainsi que dit saint Paul, dans toutes sortes d'abominations, leur cœur s'endurcit toujours de plus en plus dans le mal, jusqu'à ce que la mesure de leur péché soit comblée, et alors, au lieu d'en ressentir de la douleur, ils s'en glorifient et sont d'autant plus dignes de compassion qu'ils n'en ont point pour eux-mêmes. C'est ainsi qu'ils tombent dans le malheur, dont l'Écriture dit que la fin de ceux qui ont le cœur endurci sera malheureuse, Ecclésiaste 3, et ailleurs, qu'il vaudrait beaucoup mieux pour ces personnes qu'elles ne fussent jamais nées. Il y en a d'autres qui, après avoir commis beaucoup de péchés, reviennent à eux par une grâce particulière de Dieu et implorent sa miséricorde avec un cœur percé de douleur, plein de confusion, et une humilité d'autant plus grande et accompagnée de plus de gémissements et de larmes que leurs péchés ont été plus grands et en plus grand nombre. Ainsi, comme Dieu arrête ses yeux avec plaisir sur ceux qui ont le cœur brisé de douleur, et que plus ils sont humiliés plus il leur fait de grâce, il en fait de fort grandes à ces grands pécheurs, parce que s'étant d'autant plus humiliés que leurs péchés ont été plus grands, la grandeur de leur repentir touche davantage sa miséricorde, en quoi l'on voit accomplie cette parole de saint Paul, où il y a eu une abondance de péchés Dieu a répandu une surabondance de grâce, Romains 5, 20. Qui peut, après cela, se laisser aller au désespoir à cause du grand nombre de ses péchés, voyant que la libéralité de Dieu est si grande et sa bonté si extrême qu'il prend plaisir à nous remettre toutes nos dettes, et que plus nous avons commis de péchés plus il se rend facile à les pardonner, lorsque nous en avons un véritable repentir. Ne devons-nous pas donc, au lieu d'entrer dans le désespoir, lui dire avec confiance, nous vous conjurons, Seigneur, par vous-même et pour la gloire de votre nom, de nous pardonner nos péchés, parce qu'ils sont en grand nombre. Mais cette gloire que Dieu reçoit d'exercer envers nous sa miséricorde, ne procède pas de nos péchés qui lui sont par eux-mêmes très odieux, elle procède de son infinie bonté, qui tire le bien du mal et fait tourner, à notre avantage, ce qui devait causer notre ruine, afin de nous donner sujet de le louer. Souvenez-vous, ma chère fille, que lorsqu'au sortir de l'Égypte les Israélites, se voyant poursuivis par une si puissante armée, étaient dans une telle frayeur qu'ils attendaient la mort à toute heure, Moïse leur dit, « Ne craignez point, vous ne reverrez jamais plus ces ennemis qui vous sont si redoutables, mais vous verrez bientôt les merveilles de Dieu. » Exode 14, 13. Ils les revirent néanmoins, mais morts, quand après avoir été submergés la mer poussa leur corps sur le rivage, et, les considérant alors sans crainte, ils en rendirent grâce à Dieu par ce célèbre cantique qui commence par ces mots. Célébrons la gloire du Seigneur et lui rendons grâce pour la louange qui lui est due d'avoir précipité dans la mer et enseveli sous ses eaux les chevaux et les cavaliers. Exode 15, 1. Ce merveilleux événement est une figure de l'effroi dans lequel nos péchés nous mettent. Lorsque nous les représentons comme des ennemis qui sont prêts à nous égorger, mais la parole de Dieu porte avec elle une heureuse espérance qui nous redonne courage en nous disant de ne point appréhender, de ne point tourner les yeux vers l'Égypte qui est le péché, et de marcher hardiment dans la voie de Dieu pour voir les merveilles qu'il fera en notre faveur, en abîmant dans les flots de cette mer rouge de sa miséricorde, qui est le sang de Jésus, Christ, nos péchés et les démons, sans que les uns ni les autres puissent désormais nous nuire. Néanmoins, quoique nous n'ayons plus de sujet de les craindre, nous devons nous en souvenir pour rendre grâce à Dieu de nous avoir délivrés par une si grande bonté. Nous devons adorer son extrême sagesse qui a tiré du bien de nos maux en donnant la mort à ses péchés qui nous la donnaient, et fait qu'il n'en reste rien de vivant que le souvenir de les avoir commis, mais ce souvenir doit nous porter à nous tenir sur nos gardes et à avoir sans cesse devant les yeux la gloire de Dieu. Chapitre 22. Que notre Seigneur par sa miséricorde puissante surmonte nos ennemis d'une admirable manière. Dieu, par son admirable sagesse, détruit le péché par le péché, comme l'on tire des serpents un remède contre leur venin, et cette merveille n'est que l'image d'une autre encore plus grande lorsque Jésus, Christ dans son incarnation et sa passion, au lieu de combattre les démons, nos ennemis, avec des armes qui usent du rapport à sa grandeur et à sa toute-puissance, il n'a employé que celles qui conviennent à notre bassesse en se revêtant d'une chair humaine qui, bien que très pure et exempte de tout péché, portait la ressemblance de la chair du péché, parce qu'elle a été capable de souffrir des tourments et la mort que le péché a introduit dans le monde, ça a été en cette même manière qu'il a effacé nos péchés, et en les effaçant, nous a délivrés des peines et de la mort qu'il nous avait fait mériter, comme si en se servant des branches d'un arbre pour y mettre le feu on en réduisait en cendres ses branches et la tige. Seigneur, qu'est votre gloire est merveilleuse et n'avons-nous pas encore plus de sujet que David de célébrer vos louanges, puisque vous avez voulu vous-même terrasser ce démon superbe, ce Goliath qui avait imprimé une si grande terreur dans l'esprit du peuple de Dieu qu'il ne se trouvait personne qui osa non seulement espérer de le vaincre, mais se présenter pour le combattre. Vous ne vous êtes, mon Rédempteur, servi pour lui donner la mort que du bois de votre croix au lieu de houlette, et au lieu des cinq pierres ramassées dans le torrent, que des cinq plaies reçues dans votre sacré corps dont une seule était capable de nous racheter. Mais vous avez voulu, Seigneur, répandre une surabondance de grâce dans cet ouvrage de notre salut, afin de fortifier les faibles et d'échauffer les tièdes, en voyant par quel excès d'amour vous avez fait mourir nos péchés figurés par ce géant à qui David coupa la tête avec sa propre épée, et rendit ainsi sa victoire d'autant plus illustre qu'elle causa davantage de honte à ses ennemis. Ce vous aurait, Seigneur, toujours été une grande gloire quand vous vous seriez servi de votre épée qui est votre toute puissance pour donner la mort à nos péchés et à la mort, mais ce vous en est une beaucoup plus grande de n'avoir employé pour cela que les armes mêmes du péché, qui sont les peines et la mort, en faisant mourir le péché par la chair, et en souffrant dans votre chair les plus cruels de tous les tourments et une mort ignominieuse, comme si ça avait été la chair d'un homme pécheur, au lieu que c'était, non seulement celle d'un homme juste, mais d'un Dieu. Vous avez en cette sorte accompli, comme dit saint Paul, la justice de la loi, afin que nous ne marchions plus selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, 4. Ce qui fait voir clairement que ce n'était que par ce moyen que la loi se pouvait accomplir, et qu'il est très faux, comme quelques-uns l'ont osé dire, que toutes les actions et même celles des justes, sont des péchés, car Jésus, Christ a entièrement vaincu le péché, nous a obtenu le pardon par ses souffrances et nous a donné la force de n'y plus tomber. Ainsi ce divin Rédempteur nous a délivrés de la loi du péché, nous a affranchis de sa servitude, et exempté des peines éternelles que nous méritions en nous faisant la grâce d'y satisfaire dans le purgatoire par des souffrances passagères, et d'être ensuite couronné dans le ciel. Cet adorable Sauveur nous a aussi délivrés de la loi de la mort, puisqu'encore que nous ne puissions l'éviter, elle ne durera pas toujours, mais sera pour nous comme un sommeil dont il nous réveillera en ce grand jour de la résurrection. Ce sera alors qu'il nous donnera une vie qui ne finira jamais, et qui sera si heureuse qu'elle rendra nos corps infirmes et misérables conformes à son corps glorieux et impassible. Ce sera alors que la joie de nous voir dans une parfaite assurance ne nous fera pas seulement mépriser nos ennemis, mais triompher d'eux, et que nous dirons, « Mort, où est votre victoire ? Ô mort, où est votre aiguillon ?» 1 Corinthiens 15, 55. Le péché est cet aiguillon dont la mort nous a percés, et la loi est la force du péché, car le péché était cet aiguillon dans lequel consistait toute la force qu'avait la mort de faire des blessures à notre âme, comme la force des abeilles consiste en leur aiguillon, puisque ça a été par le péché que la mort est entrée dans le monde, ainsi le péché et la mort, ces deux ennemis si redoutables qui dominaient sur toutes les nations avec tant de cruauté, ont été noyés dans le sang de Jésus-Christ. Une éternelle justice leur a succédé, cette justice adorable qui, après nous avoir justifiés, nous rend capables de voir Dieu face à face dans le ciel, et de jouir en corps et en âme d'une vie et d'une félicité sans bornes. Que dirons-nous sur cela, fidèle épouse de Jésus-Christ? Sinon ce que dit saint Paul, « Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ » 1 Corinthiens 15, 17. Adorons ce divin Sauveur et disons-lui avec un cœur brûlant d'amour et plein d'une parfaite reconnaissance, que toute la terre, Seigneur, vous adore, qu'elle vous loue sans cesse et glorifie votre nom par des cantiques. Mais il ne faut pas se contenter de lui dire cela une seule fois le jour, il faut souvent le lui dire, et particulièrement lorsque nous voyons son très saint corps élevé à l'autel par les mains du prêtre. Chapitre 23. Que le désespoir et la perte de l'âme, et que la joie spirituelle, la vigilance, et la ferveur au service de Dieu peuvent nous faire vaincre un si dangereux ennemi. Le désespoir, qui est comme une défaillance de l'âme, est le coup le plus mortel que notre ennemi nous puisse porter, et il a causé la perte de tant d'âmes, que je ne puis penser sans me croire obligé de m'étendre encore davantage sur les moyens de remédier à un si grand mal, dans l'espérance que l'on pourra en reprofiter. Il y a des personnes qui, bien que coupables d'un très grand nombre de grands péchés, non seulement ne savent ce que c'est que le désespoir, mais n'ont pas la moindre crainte, parce qu'une fausse espérance et une folle présomption les font vivre en assurance comme si l'on pouvait impunément offenser un Dieu, et lorsqu'après qu'il lui a plu de les éclairer de son adorable lumière, et qu'ayant été vivement touchés de regret de leur péché et lui en ayant demandé pardon, ils devraient jouir de la participation des sacrements de l'Église et marcher avec courage et confiance dans la voie du ciel. Ils passent de cette fausse assurance qu'ils avaient auparavant dans une crainte excessive et très périlleuse. Ainsi il paraît bien qu'ils ignorent que, comme ceux qui offensent Dieu sans s'en repentir, ont sujet de trembler quand même personne ne les condamnerait puisqu'il attire sur eux sa colère, au contraire, ceux qui s'humilient devant lui, qui ont le bonheur de participer à ses saints sacrements et qui désirent d'accomplir sa volonté, doivent avoir un cœur de lion, puisqu'étant en cet état, L'Écriture leur commande de s'assurer que Dieu est avec eux, comme ils le croient ennemi des méchants et que le souvenir de l'avoir été leur donne de la crainte. Ils doivent croire qu'il aime les gens de bien, et qu'ainsi la bonne volonté qu'il leur a donnée le leur rendra toujours si favorable qu'il achèvera en eux son ouvrage, en les fortifiant dans les bonnes résolutions qu'il leur a inspirées, car il est certain que lorsque nous dirons à Dieu, du fond du cœur, ce que lui disait David, « J'ai élevé mes mains vers vous pour exécuter vos commandements, parce que je vous aime », Psaume 118, 48, ses yeux et son cœur s'arrêteront sur nous et nous feront agir d'une manière qui lui sera agréable, parce que sa bonté étant infinie, il n'a garde de manquer à nous assister dans la guerre que nous entreprenons contre nous-mêmes pour lui plaire. Lorsque, par une vocation particulière de sa grâce qui nous porte à mépriser tout le reste pour acquérir cette perle précieuse dont il est parlé dans l'Évangile, qui est la perfection de la vie spirituelle, les démons nous tendent des pièges et nous font une si cruelle guerre tant par eux-mêmes que par ceux dans l'esprit desquels ils règnent, que dès le premier pas que nous faisons pour marcher dans la voie qui conduit au ciel nous nous trouvons réduits à dire, comme ce grand roi et ce grand prophète, « Seigneur, délivrez-nous des lèvres trompeuses et des langues doubles » Psaume 119, 2. Car les lèvres trompeuses marquent ceux qui s'opposent ouvertement au bien, et les langues doublent ceux qui s'efforcent de nous tromper par leurs artifices. Il arrive même quelquefois que tant de difficultés se présentent à notre esprit pour nous empêcher de continuer à marcher comme nous avons commencé, qu'on peut les comparer à ces géants à qui les Israélites disaient, qu'étant comparés, ils ne paraissaient être que des sauterelles, que les murs de leur ville s'élevaient jusqu'au ciel, et que la terre qu'ils habitaient dévorait ses habitants, Nombre 13. Mais pour dissiper ces vaines erreurs, il faut considérer que le découragement et le désespoir sont si désagréables à Dieu qu'encore que ce peuple l'eût offensé par tant de péchés commis par eux dans le désert, et par un crime aussi épouvantable que celui d'avoir adoré, au lieu de lui, un veau, d'or, il ne laissa pas de leur continuer son assistance, mais lorsque leur découragement et leur désespoir les porta à s'en défier, il jura en sa colère, comme dit David, Psaume 94, 11, qu'ils n'entreraient jamais dans cette heureuse terre qu'il leur avait promise, et sa menace fut suivie de l'effet. Pouvons-nous donc avoir trop d'horreur de ce pernicieux désespoir, si contraire à l'honneur de Dieu et à sa bonté qui surpasse d'autant notre malice que sa grandeur infinie est élevée au-dessus de notre bassesse? Nous devons tenir pour certain que, comme pour poursuivre une aussi grande entreprise qu'est celle d'acquérir une parfaite vertu, nous avons à soutenir, au-dedans et au-dehors de nous, des combats continuels contre de très puissants ennemis, rien ne peut nous en nuire, dans cette guerre, que de manquer de courage, puisque la moindre chose est capable de faire fuir ceux qui ont peur. C'est pourquoi Dieu commandait dans l'ancienne loi, lorsque son peuple se trouvait engagé dans quelque guerre, qu'avant que de commencer le combat, les prêtres les exhortassent à mettre leur confiance, non pas dans leur nombre et dans leur force, mais dans la protection du Dieu des armées qui tient entre ses mains la victoire, et qui, pour la gloire de son nom, fait que les plus grands géants sont terrassés par de petites sauterelles. Ce qui a fait dire à saint Paul, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et en sa vertu toute puissante » Éphésiens 6, 10, c'est le moyen de combattre les combats du Dieu Tout-Puissant avec joie et avec force, comme faisait Judas Machabé qui, par ce moyen, demeurait victorieux, et c'est ce qui faisait dire à saint Antoine, si expérimenté dans la guerre spirituelle, que rien n'est si capable que cette joie de nous rendre victorieux du démon, car il est certain que le plaisir que l'on prend dans une action importante augmente la force dont on a besoin pour l'exécuter. Ce qui a fait encore dire à saint Paul, « Réjouissez-vous tous dans le Seigneur », Philippiens 4. Et lorsque saint François voyait quelques-uns de ses frères tristes, il les en reprenait en leur disant, que ceux qui servent Dieu n'ont sujet de s'affliger que d'avoir commis quelques péchés, et qu'après s'en être confessés, ils doivent rentrer dans la joie. Nous lisons aussi de saint Dominique, que l'on voyait sur son visage cette tranquillité et cette joie intérieure que produit d'ordinaire l'amour de Dieu, et cette vive espérance de sa miséricorde qui nous rend capables de porter sa croix pour le suivre, non seulement avec patience, mais avec plaisir, et c'est ce que pratiquent ceux qui ne laissent pas d'être contents après avoir perdu leur bien, parce qu'ils ont une ferme espérance d'être un jour riches dans le ciel. Saint Paul témoigne qu'il l'avait éprouvé, lorsqu'il dit « Réjouissez-vous dans votre espérance et soyez patients dans les maux. » Romains 12. À cause qu'il est difficile sans l'espérance d'avoir de la patience, quand cette joie, qui donne de la force, vient à manquer, c'est une chose digne de compassion de voir ce que souffrent ceux qui marchent dans la voie de Dieu. Ils sont tristes, abattus, découragés, mécontents d'eux-mêmes et des autres, sans goût pour les choses de Dieu, et ont si peu de confiance en sa miséricorde, qu'il ne s'en faut guère qu'il n'y en ait point du tout. Plusieurs d'entre eux, qui ne commettent point de péché mortel ou n'en commettent que rarement, disent que, ne servant pas Dieu comme ils devraient et comme ils le désireraient, les péchés véniels dans lesquels ils tombent les mettent en cet état. Ainsi, cette peine excessive leur fait plus de tort que leur faute même, parce qu'elle les fait tomber d'un mal dans un autre en augmentant celui qu'ils auraient pu arrêter s'ils eussent agi avec courage. Le remède à cela est de travailler de tout leur pouvoir à servir Dieu et s'ils font des chutes, les pleurer sans perdre la confiance, que s'ils reconnaissent que leur faiblesse est plus grande qu'ils ne le croyaient, il faut qu'ils s'humilient encore davantage, qu'ils prient Dieu de leur donner plus de grâce qu'ils n'en ont, qu'ils se tiennent plus sur leur garde, et qu'ils demandent de temps en temps des avis touchant la manière dont ils doivent se conduire. Mais plusieurs font tout le contraire, ils sont paresseux dans le service de Dieu, et au lieu de s'efforcer de se relever de leur chute, ils sont plus négligents que jamais et tombent dans la défiance. Ainsi, rien ne sert tant, pour ne point tomber dans le désespoir, que d'éviter la tiédeur et la négligence dans le service de Dieu, parce que, lorsqu'elles ont une fois pris racine dans une âme, elle ne peut avoir la vigueur et le courage que donne la vertu. Si ces personnes considéraient que ces sentiments de tristesse et de désespoir causent beaucoup plus de peine qu'il n'en faudrait prendre pour les surmonter, quelque inclination qu'ils aient à fuir le travail, ils choisiraient celui auquel la vertu engage, afin d'éviter le mal qui arrive de n'être pas vertueux. Saint Paul nous apprend que la fin des commandements est la charité qui naît d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, 1 Timothée 1, 5. Et saint Augustin dit que, par ces mots de bonne conscience, l'apôtre entend parler de l'espérance, parce que nous n'avons point de sujet de bien espérer si nous n'avons une conscience accompagnée de foi, d'amour de Dieu et de bonnes œuvres. Car, s'il se rencontre quelques défauts dans la conscience, Il y en aura aussi dans la consolation et dans la joie qu'une ferme espérance est seule capable de donner. Parce qu'encore que cette espérance ne doive pas être considérée comme mort dans ceux qui sont en grâce, elle fait qu'ils n'agissent que très faiblement. Ainsi, ceux qui se contentent de dire « Croyez que Dieu vous pardonne et vous aime, et il vous pardonnera et vous aimera », ou autres paroles semblables, se trompent extrêmement, et montrent que ce n'est pas la foi et l'expérience qui les font parler de la sorte, mais qu'ils disent seulement ce qui leur vient dans l'esprit, et comme de telles pensées ne procèdent point de Dieu, elles ne peuvent donner de la force à ceux qui les ont lorsque de grandes afflictions leur arrivent. Le courage, la force et la joie que la bonne conscience donne sont des fruits de la bonne vie. Ceux qui emmènent une conforme à la volonté de Dieu, trouvent, sans qu'ils y pensent, tous ces avantages dans eux, même lorsque les occasions s'en offrent, et ils vont toujours en augmentant à proportion de ce que leur bonne vie devient plus parfaite, au lieu, comme je l'ai dit, que la mauvaise vie produit des effets contraires. L'Écriture nous l'apprend par ses paroles, la mauvaise disposition du cœur produit la tristesse, et la tristesse la défiance avec d'autres mots, Ecclésiaste 3. Chapitre 24. Que nous pouvons par deux moyens recouvrer l'espérance et rentrer dans la voie de Dieu, que la tentation ne doit pas nous faire perdre courage quoique Dieu diffère à nous consoler, et qu'il y a des personnes qui ne peuvent s'humilier que par la tentation. Fidèle épouse de Jésus-Christ, ce que vous devez inférer de ce que j'ai dit est que, puisqu'il vous importe tant, pour vous fortifier dans le service de Dieu, d'être dans la joie que donne l'espérance, vous devez pour cela faire deux choses. L'une, de considérer la bonté et l'amour qu'il vous a témoigné en donnant pour vous son Fils unique, et l'autre, de bannir de votre esprit la paresse et la tiédeur, afin de le servir avec la vigilance et l'amour qu'il mérite de l'être. Ainsi, lorsqu'il vous arrivera de commettre quelque faute, gardez-vous bien de tomber dans le découragement et la défiance, mais travaillez à en chercher le remède et espérez d'en recevoir le pardon. Que si vous tombez souvent, tâchez souvent de vous relever, car quelle apparence que vous vous lassiez de recevoir le pardon que Dieu ne se lasse point de vous accorder. Puisqu'il nous a proposé pour exemple sa bonté, qui est infinie, et commandé de pardonner à notre prochain non seulement 7 fois le jour, mais 70 fois 7 fois, c'est-à-dire toujours, refusera-t-il de nous pardonner toutes les fois que nous le lui demanderons? Matthieu 18, 22. Que si cette pureté de vie que vous souhaitez ce remède à votre faiblesse ne vienne pas si tôt que vous le désireriez, gardez-vous bien d'imiter ce peuple qui dit, « Si Dieu ne nous envoie du secours dans 5 jours, nous nous rendrons à nos ennemis. » Mais souvenez-vous de quelle sorte Judith les en reprit en leur disant, « Qui êtes-vous, qui osez ainsi tenter Dieu, est-ce seul le moyen d'attirer sur vous sa miséricorde et de n'allumer pas au contraire encore davantage le feu de sa colère contre vous? Vous appartient-il de lui prescrire le temps et le jour qu'il doit venir vous secourir? Judith 8, 11. Apprenez, par les paroles de cette admirable femme, à attendre avec patience les effets de la miséricorde du Seigneur, et ne vous lassez point de souffrir, puisque la souffrance vous peut être aussi utile, qu'il vous importe de tout de la recevoir avec joie. Plus elle sera grande, et moins elle doit affaiblir votre espérance, car c'est d'ordinaire une marque que l'on est à la veille d'en être délivré, comme notre Seigneur le fit voir lorsque ses disciples ayant été battus de la tempête durant toute la nuit, il ne vint à eux qu'à la quatrième veille, Luc 5. Et qu'il ne délivra son peuple de la captivité d'Égypte que lorsque les maux qu'ils souffraient furent arrivés à leur comble, Exode 20. C'est ainsi qu'il en usera lorsque vous vous y attendrez le moins, et s'il vous semble que vous souhaiteriez fort de mener une vie plus parfaite, plus simple, et qui ne fût employée qu'à louer Dieu, sachez qu'il se trouve des personnes si superbes, qu'il n'y a que les tentations, les afflictions et les chutes qui puissent les humilier. Ils sont si faibles et si lâches, qu'il faut qu'ils reçoivent des coups d'éperon pour les faire avancer dans le chemin du ciel. Ils ne se mettent en peine de savoir s'ils sont dans la bonne voie qu'après s'être égarés diverses fois. Un peu de bien qu'ils font leur donne une grande vanité, et enfin il n'y a que les maux, et un grand nombre de maux, qui les rendent capables de s'humilier envers Dieu et le prochain, et qui puissent amollir la dureté de leur cœur. Vous voyez donc le besoin que tant de plaies ont du fer et du feu pour être guéries, et qu'ainsi Dieu permet que ces personnes reçoivent de grands déplaisirs et tombent même dans le péché afin de les délivrer d'un état si déplorable. C'est pourquoi il a dit par un prophète, « Vous irez jusqu'en Babylone et là vous serez délivrés de la main de vos ennemis, Michée 4, parce que la confusion dans laquelle on est fait d'ordinaire que l'on s'humilie et que l'on a recours à Dieu pour y trouver du remède que l'on n'aurait pas peut-être recherché avec soin et avec douleur, si l'on n'était point tombé. » Et qu'ainsi on se serait perdu par son orgueil. Soyez-vous loués à jamais, Seigneur, de tirer du bien de tant de maux, et que l'on ne vous rende pas moins d'actions de grâce de votre miséricorde envers les pécheurs, que de votre bonté envers ceux que vous rendez justes par votre assistance, vous sauvez par la contrition et l'humilité ceux qui ne vous avaient pas été fidèles, vous faites que les péchés servent à nous rendre humbles, soigneux et vigilants, et que, comme vous l'avez dit vous-même, beaucoup de péchés sont remis à ceux qui aiment beaucoup, Luc 7, 47. C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'apôtre Saint Jacques que la miséricorde s'élèvera, au-dessus de la justice, Jacques 2, 13. Parce que votre bonté ne se fait jamais mieux connaître que lorsque vous pardonnez aux pécheurs qui se convertissent à vous. Saint Paul dit aussi, que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et même les péchés, Romains 8, comme dit Saint Augustin. Mais il se faut bien garder de prendre de la occasion de se laisser aller à la tiédeur et à la facilité de pécher. Puisqu'il ne le faut faire pour quoi que ce soit, mais on doit seulement s'en servir, afin que si l'on est si malheureux que d'offenser Dieu on n'ajoute pas à ce péché un autre plus grand péché qui est de se défier de sa miséricorde. Chapitre 25. Que le démon s'efforce de nous faire tomber dans le désespoir par les tentations contraires à la foi et à la piété, et de quel remède on se peut servir pour s'en garantir. Il arrive d'autres fois que le démon pour porter les hommes dans le désespoir les tente dans ce qui regarde la foi, et leur remplit l'esprit de pensées impies et abominables pour détruire en eux tous les sentiments de la piété. Il leur persuade que ces pensées qui ne procèdent que de sa malice viennent d'eux-mêmes. Elle les tourmente ainsi d'une telle manière qu'il bannit de leur âme toutes sortes de consolations et de joie en leur faisant entendre qu'ils sont rejetés et condamnés de Dieu. Ainsi il les réduit presque au désespoir en leur représentant qu'ils ne peuvent éviter d'aller en enfer, puisqu'ils commencent déjà par leur blasphème à ressembler aux damnés. Ce n'est pas que cet ennemi de notre salut soit si simple que de croire pouvoir porter un chrétien catholique à donner son consentement à des pensées si horribles. Mais son dessein est de lui faire perdre par tant de peine qu'il lui donne la confiance qu'il avait en Dieu, et ensuite la patience, afin de le jeter dans le trouble, parce qu'il en tire d'ordinaire de grands avantages pour lui nuire. La première chose que nous devons faire dans ces rencontres est d'examiner très soigneusement et à loisir notre conscience, afin de la purifier par la confession de tout ce que nous y trouverons être désagréable à Dieu, nous mettre en l'état auquel nous devrions être si ce jour-là était le dernier de notre vie, et n'oublier rien ensuite pour mieux servir notre Seigneur, car il arrive quelquefois que ce souverain juge permet que nous tombions, contre notre volonté, dans de si grandes peines, pour nous punir des fautes que nous avons faites par notre propre volonté et par notre négligence dans son service. Il veut par ses moyens, comme par des coups de fouet qui nous sont si sensibles, nous retirer de l'amour des choses qu'il nous a défendues. Comme on ramène à coups de fouet dans le bon chemin un animal qui s'en détourne, il envoie ses peines à d'autres pour d'autres fins que lui seul connaît et qu'il ne nous est pas permis de pénétrer. Mais en quelque manière qu'elles arrivent, on doit, comme je l'ai dit, purifier sa conscience et s'employer avec ardeur au service de Dieu. Car c'est un remède utile à tout et qui ne saurait nuire à quoi que ce soit. Ainsi il faut avec une ferme confiance en la miséricorde de Dieu, implorer son secours, et puisque nous ne pouvons empêcher le démon de nous parler ce détestable langage et de nous jeter ses mauvaises pensées dans l'esprit, faire comme si nous ne l'entendions point, et demeurer en paix sans s'en étonner et sans lui répondre, selon ces paroles de David, « Je n'écoute non plus leur discours que si j'étais sourd, et je n'ouvre non plus ma bouche que si j'étais muet. Je suis devenu comme un homme qui n'a point d'oreille pour entendre ni de langue pour répliquer. » Psaume 37, 14. Ceux qui ne savent pas quels sont les artifices de cet esprit de mensonge ont peine à les croire. Ils s'imaginent que s'ils ne pensent continuellement à faire du bien et s'ils n'étouffent ces mauvaises pensées qui sont comme des mouches, qu'ils voudraient tuer, ils y ont consenti, en quoi ils montrent qu'ils ignorent combien grande est la différence qu'il y a entre sentir et consentir, et que, comme plus ces pensées sont abominables plus elles leur donnent de l'horreur, notre Seigneur leur fera la grâce de les empêcher d'y consentir. Ainsi le mieux que l'on puisse faire en ces rencontres est de les mépriser sans s'en émouvoir en aucune sorte, et rien ne fâche tant le démon, parce qu'étant aussi orgueilleux qu'il est, rien ne lui est si insupportable que de ne tenir compte de lui ni de tout le mal qu'il veut nous faire. Ni rien si périlleux que d'entrer avec lui dans des raisonnements par lesquels il pourrait facilement nous tromper et nous faire perdre le temps que nous devons employer à de bonnes œuvres. Il faut donc lui fermer la porte de notre entendement, et sans lui rien répondre nous unir à Dieu, et dire quelquefois durant le jour, pour notre consolation, que nous croyons tout ce que croit l'Église notre Sainte Mère sans vouloir en aucune manière consentir à ses mauvaises pensées. Nous pouvons aussi user de ces paroles d'Isaïe, « Seigneur, on nous fait violence, protégez-nous, répondez pour nous, Isaïe, 28, et croire qu'il exaucera nos prières. Parce que ce n'est pas en nos propres forces que nous mettons notre confiance dans ce combat, mais en son secours tout puissant qui est tout notre soutien et tout notre appui. Car si nous nous engageons dans de grands raisonnements avec cet ennemi, comment pourrons-nous dire à Dieu que nous le prions de répondre pour nous? Demeurez en repos. Dit Moïse aux Israélites, et le Seigneur combattra pour vous, Exode 14. Isaïe dit aussi, vous devez établir votre force dans le silence et dans l'espérance, Isaïe 30, car quand l'un des deux manque, on se trouve aussitôt dans l'affaiblissement et le trouble. Au lieu que j'ai vu plusieurs personnes que le silence, joint à l'espérance, ont délivré en peu de temps de ces fâcheuses tentations, et réduit le démon à se taire en voyant qu'elle ne l'écoutait ni ne lui répondait point. Ainsi qu'il arrive à de petits chiens qui se taisent quand on les méprise, et aboient au contraire encore plus fort quand on s'y arrête. Chapitre 26. Que le dessein du démon dans toute cette tentation est de nous faire abandonner l'exercice des bonnes œuvres, que nous devons alors nous y affectionner plus que jamais sans souhaiter des consolations, et pour quelle fin il est bon de les désirer. Quelques personnes lâches pourraient dire, comme ces mauvaises pensées qui me font perdre la dévotion m'arrivent d'ordinaire lorsque je veux prier Dieu ou faire de bonnes œuvres. Il me prend quelquefois envie pour m'en délivrer d'abandonner ces exercices de piété, mais c'est cela même qui doit les faire embrasser plus que jamais, puisque ces mauvaises pensées que le démon nous inspire sont un piège qu'il nous tend à dessein de nous divertir de ses saintes occupations, et ce sera le moyen de le confondre que de lui faire ainsi trouver sa honte et notre avantage dans ce qu'il croyait nous devoir nuire. Que si vous ne vous sentez pas, ma chère fille, avoir une grande tendresse de dévotion, ne vous en mettez point en peine, puisque le service que nous rendons à Dieu ne se mesure que par l'amour, et que l'amour ne consiste pas en cette tendresse, mais à nous offrir à Dieu de tout notre cœur avec une volonté libre et une ferme résolution de lui obéir et de souffrir, pour le contenter, tous les maux qu'il lui plaira qui nous arrivent. Si ceux qui paraissent avoir renoncé, pour servir Dieu, à ce qu'ils avaient dans le monde, renoncer aussi au désir d'avoir dans leur dévotion ces sentiments de tendresse, ils seraient plus heureux qu'ils ne sont, et le démon ne trouverait pas en eux ces sentiments d'amour propre qui sont comme des cheveux auxquels il s'attache, et dont il se sert pour leur faire tourner la tête en arrière et les tromper en les jetant dans le trouble et l'inquiétude. Jésus, Christ mourut nu à la croix, et nous devons, à son imitation, nous offrir à lui nu et dépouillé de nos propres affections, n'avoir pour tout vêtement que le désir d'accomplir sa volonté et d'exécuter avec une obéissance pleine d'amour tout ce qu'il aura agréable que nous fassions, quelque rude qu'il puisse être. Par ce moyen nous recevrons de sa main avec un égal respect la tentation et la consolation, et ne lui rendrons pas moins d'action de grâce de l'une que de l'autre. Saint Paul disait qu'il remerciait Dieu de tout, Éphésiens 5, parce que comme la marque d'un véritable chrétien est d'aimer ceux qui nous haïssent, n'y ayant rien plus facile que d'aimer ceux qui nous aiment, aussi rendre grâce à Dieu dans l'adversité sans considérer ce qu'elle paraît avoir d'amère, mais seulement la douceur cachée dont Dieu l'accompagne. C'est la marque d'une personne qui ne regarde pas les choses avec des yeux charnels, puisque par son amour pour lui elle se conforme à sa volonté dans celles qui sont les plus difficiles à souffrir. Ainsi quoique nos désirs nous paraissent bons, nous devons les considérer comme des branches faibles auxquelles il ne faut pas nous attacher, mais nous appuyer seulement sur la tige inébranlable de la volonté de Dieu par notre parfaite obéissance à ce qu'il ordonne. Pour participer par ce moyen à son immuable fermeté, et éviter les continuels changements qui arrivent dans notre cœur lorsque quelque cupidité y reste encore. En vérité, Il y a peu de différence entre servir Jésus-Christ pour en recevoir des biens temporels, ou pour en recevoir des consolations qui répandent de la douceur dans l'âme, c'est-à-dire, pour la terre ou pour le ciel. Si nous n'avions en cela pour fin que notre amour propre, quelques théologiens croient que Lucifer ne désira qu'une plus grande félicité, mais que son crime fut de ne la pas désirer en la manière qu'il le devait, et de la recevoir de la bonté de Dieu lorsqu'il lui plairait de la lui donner, et qu'ainsi, encore que son désir fût bon en soi, il ne laissa pas d'être coupable, parce qu'il procédait de son amour propre. Je dis de même, que nous ne devons pas désirer avec ardeur des douceurs et des goûts spirituels, mais nous offrir à porter la croix de Jésus-Christ, et recevoir de bon cœur ce qu'il nous donnera, soit du miel, ou du fiel et du vinaigre. Je ne prétends pas néanmoins, ma fille, par tout ce que je viens de dire, vous faire croire que ces douceurs spirituelles soient mauvaises en elles-mêmes ni qu'on les doive condamner, pourvu que l'on en sache bien user en les recevant, non pas pour s'y arrêter, mais pour s'animer encore davantage dans le service de Dieu, principalement ceux qui commencent, parce qu'ils en ont d'ordinaire besoin, comme les enfants ont besoin d'être nourris de lait, et que ce serait leur faire du mal et non pas du bien, que de les nourrir de viandes solides qui ne sont propres qu'aux hommes, car les divers âges, comme dit Saint Bernard, si savants dans la vie spirituelle, sont différents en tempérament et en force, selon quoi la prudence veut qu'on les traite, et l'on se doit contenter de marcher sans prétendre de voler dans le chemin de la perfection. Il faut donc, quand Dieu envoie des consolations, les recevoir avec joie, pour être plus forts à porter la croix, puisque nous voyons qu'il a consolé ses disciples sur le Tabor, pour leur donner la force de supporter les douleurs que leur causèrent les siennes sur le calvaire. Je n'ai jamais vu que ceux qui ont reçu ces consolations spirituelles les aient méprisées, mais si Dieu nous veut conduire par un autre chemin si contraire et si pénible, nous devons, au lieu de nous décourager, recevoir de sa main avec humilité ce calice, le boire courageusement et le prier de fortifier notre faiblesse. Ne croyez pas aussi que je prétende que l'on ne doive point avoir de joie lorsqu'il plaît à notre Seigneur de nous favoriser de ses consolations, et de ne point sentir son absence lorsqu'il nous abandonne à nos ennemis pour être tentés et persécutés par eux. Je dis seulement qu'il faut travailler avec la force que Dieu nous donne à nous conformer à sa sainte volonté, sans nous inquiéter ni suivre la nôtre, qui ne peut produire en nous que de la défiance, du découragement et du trouble. Nous devons prier Dieu de nous ouvrir les yeux, et, s'il lui plaît de nous accorder cette grâce, une lumière plus claire que n'est celle du soleil nous fera voir que toutes les choses de la terre et même celles du ciel sont indignes d'être désirées que dans l'ordre et la volonté de Dieu, au lieu qu'il n'y en a point. Pour petites ou pénibles qu'elles soient, qui ne méritent d'être souhaitées, quand elles y sont jointes, et il vaudrait mieux sans comparaison souffrir, lorsqu'il le veut, que d'être dans le ciel sans qu'il le voulût, si cela était possible. Si nous pouvions nous détacher entièrement de notre secrète convoitise, combien éviterions-nous de maux qui sont comme autant de fruits que cette mauvaise racine produit, combien en recueillerions-nous pleins de douceur et de cette heureuse tranquillité qui naissent de l'union de notre volonté à celle de Dieu? Ces fruits sont si excellents, si solides et si assurés, qu'il n'y a point de souffrance qui soit capable de nous les ravir ni de nous troubler, parce que nous savons que c'est le chemin de la croix, et que nous n'y sommes entrés que pour suivre Jésus-Christ, qui, lorsqu'il y était attaché, a dit à son Père, « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Matthieu 27. Mais il lui a dit aussi ensuite, « mon Père, je remets mon âme entre vos mains, » Luc 23, 46, et a dit à ses apôtres, « vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, votre cœur se réjouira et personne ne vous ravira votre joie, » Jean 16, 22. Car, lorsque l'on est en cet état, il n'y a point d'affliction qui puisse troubler notre âme, parce qu'elle est unie à la volonté de Dieu qui nous les envoie. Si nous agissions de la sorte, nous tromperions ce trompeur, ce démon qui ne pense sans cesse qu'à nous tromper, car ne nous décourageant point par ses tentations, mais recevant avec action de grâce ce qui nous vient de la main de Dieu, nous sortirions avec avantage de ce combat, quand il durerait autant que notre vie, puisqu'il nous ferait gagner des couronnes dans le ciel, en récompense de notre conformité à la volonté de Dieu dans les choses mêmes qui nous seraient les plus pénibles. Chapitre 27. Que le moyen de vaincre ces tentations consiste plus dans la patience à les souffrir et dans l'espérance au secours de Dieu qu'à faire des efforts pour empêcher qu'elles ne viennent. Le moyen de remporter sur le démon l'avantage dont je viens de parler est plutôt la résolution de souffrir avec patience ce qu'il plaît à Dieu de permettre qui nous arrive, que de faire des efforts pour l'éviter. C'est ce qui a fait dira l'époux dans le cantique, « chasser ces petits renards qui ravagent notre vigne qui est en fleur, car notre âme est la vigne de Jésus. » Christ qu'il a planté de sa main et arrosé de son sang, et elle fleurit lorsqu'après avoir été stérile en bonnes œuvres elle commence une nouvelle vie et porte des fruits qui lui sont agréables. Mais parce que dans ses commencements il n'y a point de tentation et d'artifice dont le démon ne se serve pour s'y opposer, ce divin époux nous avertit de travailler de tout notre pouvoir pour en empêcher l'effet, et il compare ces artifices des démons à des renards, parce que ces esprits de ténèbres agissent en cela avec ruse et avec finesse. Quant à ce qu'il dit que ces renards sont petits, c'est pour nous montrer qu'il ne faut que les connaître pour ne les pas beaucoup craindre, à cause que les connaître. C'est les vaincre ou au moins les affaiblir de telle sorte, qu'ils ne sauraient faire de mal. Et lorsqu'il a dit qu'ils ravagent la vigne, il a entendu parler des personnes à qui ils en font beaucoup, à cause qu'ils ne les connaissent pas, parce que n'ayant point de confiance en Dieu, ils quittent ce chemin étroit de la vertu qui conduit à la véritable vie, pour prendre cette voie large qui conduit à une mort éternelle, en s'imaginant d'y trouver plus de paix et de repos. Et ainsi, à moins qu'ils ne se repentent et ne rentrent dans le bon chemin, il est facile de juger que leur perte est inévitable. L'Écriture nous l'apprend par ces paroles. L'épée de Dieu est toute prête pour punir celui qui passe de la justice au péché. Ecclésiaste 26, 26. Ces personnes devraient considérer que, comme les Gabaonites, parce qu'ils avaient fait alliance avec Josué, furent assiégés par les peuples qui étaient auparavant leurs amis, mais qu'il vint à leur secours et les délivra, Josué 10, de même. Ceux qui s'engagent au service de Dieu sont persécutés par les démons qui auparavant les laissaient en paix, et ne les persécuteraient plus, s'ils l'abandonnaient. Mais, comme dit saint Paul, c'est une grande grâce qu'il nous fait de ce que non seulement nous croyons en Jésus-Christ, mais que nous souffrons pour lui, Philippiens 1, 29. Et si les anges pouvaient envier les hommes, ce serait d'avoir cet avantage sur eux. Heureux celui, dit un apôtre Saint Jacques, qui souffre patiemment les tentations de cette vie, parce que, lorsque sa vertu aura été éprouvée, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qu'il aime. Jacob 1, 12. Il nous importe de considérer cette couronne, afin de nous exciter à faire de grands efforts en souffrant avec courage selon ce qu'il est dit de Moïse et de David, qu'ils considéraient la récompense que Dieu leur avait promise. Celui qui aime parfaitement Jésus-Christ crucifié désire avec tant d'ardeur de se conformer à lui, qu'il considère comme une très grande récompense ce qu'il souffre pour lui plaire, parce, comme dit saint Augustin, qu'heureux sont les maux que l'on endure pour l'amour de Dieu. Et puisqu'il n'y a point d'homme qui ne défende ceux qui sont à lui et qui souffrent pour son service, ne devons, nous pas espérer de la bonté de Dieu qu'il nous protégera selon ses paroles de David, « Levez-vous, Seigneur, jugez vous-même votre propre cause, et souvenez-vous des outrages que ces insensés vous font tous les jours. » Psaume 73. C'est donc ce que nous devons attendre de la bonté de Dieu, puisque notre cause est la sienne, et en se confiant en lui et non pas en nous, ne trouver rien de difficile pour son service. Chapitre 28. Que l'un des plus grands remèdes contre les tentations est d'avoir un confesseur sage et expérimenté en qui l'on puisse prendre toute confiance, des qualités qu'il doit avoir et de l'avantage que l'on peut tirer de ces tentations. Ceux à qui ces tentations arrivent ont d'ordinaire beaucoup de peine à se résoudre de les déclarer à un confesseur, parce que d'un côté ils rougissent de honte de rapporter ces pensées dont l'impureté leur donne de l'horreur, et que d'un autre côté il leur semble qu'ils ne se seraient pas bien confessés, s'ils manquaient à les lui dire toutes en particulier, ainsi soit qu'ils les lui découvrent ou les lui cachent, elles leur donnent plus de peine dans la confession qu'elles n'avaient fait auparavant. Le remède à cela est de chercher un confesseur sage et expérimenté, de lui faire entendre quelle est la tentation, de lui en dire assez pour lui faire comprendre le reste, et d'ajouter une entière foi aux avis qu'il lui donnera, car cela importe de tout, parce que ces personnes sont incapables de bien juger par elles, même de ce qu'elles doivent faire soit par leur peu d'intelligence en semblables choses, ou par d'autres, raisons qui les en empêchent, mais ce confesseur doit beaucoup prier Dieu de délivrer son pénitent de cette tentation, et, en le considérant comme un malade, ne se point tenir importuné qu'il lui redise souvent une même chose, ni de ses autres faiblesses, et, au lieu de s'en étonner et de le mépriser, avoir une extrême compassion de lui, et le traiter avec un esprit de douceur, suivant cet avis de saint Paul, relevez avec un esprit de douceur celui qui est tombé, chacun de vous faisant réflexion sur soi-même, et craignant d'être tenté aussi bien que lui, Épître aux Galates, 6, 1. Il faut que ce confesseur lui recommande de mieux vivre que par le passé, d'avoir recours au sacrement, et lui fasse bien comprendre qu'il n'y a point de pensée, quelque horrible qu'elle soit, qui puisse souiller l'âme. Lorsque l'on n'y consent pas, il faut qu'il l'exhorte à espérer de la miséricorde de Dieu qu'il le délivrera de ses peines quand il en sera temps, et lui dise qu'il doit cependant les souffrir en déduction de ses péchés et dans la vue de ce que Jésus-Christ a souffert. Le pénitent se trouvant ainsi fortifié et encouragé, portant sa croix avec patience, et s'offrant à la porter durant toute sa vie, si Dieu le veut, Cette amertume lui devient plus douce que ne lui aurait été la dévotion qu'il désirait. Ainsi notre âme se fortifie, et, après avoir goûté la douceur du lait, elle devient capable de se nourrir de pain, quelque dur qu'il soit, et de résister aux tentations dont le démon se sert pour éprouver si nous sommes enfants de Dieu, comme il en usa envers notre Seigneur même. Par ce moyen, nous tirons du miel du venin, de la santé de nos maladies, et mille autres avantages qui remplissent le démon de confusion, lorsqu'il voit qu'au lieu des chaînes qu'il nous préparait, il nous a fait gagner des couronnes. C'est à ce Dieu tout puissant que nous en sommes obligés et que nous devons rendre grâce de ce qu'il ne permet qu'il nous arrive du mal que pour en tirer du bien d'une manière qui nous est incompréhensible. Il ne souffre que son ennemi et le nôtre nous persécute que, pour faire tourner cette persécution à sa honte et à notre avantage, selon ces paroles de David, « Celui qui habite dans le ciel se rira d'eux, le Seigneur se moquera d'eux. » Psaume 2, 4. C'est pourquoi, encore que ce dragon infernal tente et persécute en ce monde les serviteurs de Dieu, et prétende se jouer d'eux, Dieu se moque de lui et fait réussir à sa confusion le mal qu'il leur voulait faire. Ce qui irrite tellement son orgueil et son envie contre nous, qu'il sèche de dépit d'être tombé dans le piège qu'il nous avait tendu, et de nous entendre chanter avec joie. Le filet a été rompu et nous nous sommes échappés, notre unique secours a été le nom et la toute-puissance du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Psaume 123, 8. Chapitre 29. Des diverses tentations par lesquelles le démon s'efforce de nous détourner des exercices de la piété, de la confiance que nous devons, pour le vaincre, avoir en notre Seigneur, et de quelques autres moyens qui peuvent nous aider à surmonter ces tentations. L'envie que les démons portent à notre bonheur est si grande, qu'il n'y a rien qu'ils ne fassent pour nous le ravir. Lorsque nous les avons vaincus dans quelque combat, ou, pour mieux dire, que Dieu les a vaincus par nous, ils reviennent continuellement à la charge, dans la créance que nous ne serons pas toujours sur nos gardes, et qu'ainsi ils trouveront enfin quelque occasion de nous surmonter. Ils changent d'arme et de manière de nous attaquer, croyant que quelqu'une leur réussira. Lorsqu'ils voient que leur artifice leur a été inutile, parce que notre sainte religion nous apprend à n'avoir point d'autre volonté que celle de Dieu, et à souffrir avec patience tout ce qu'il lui plaît qui nous arrive, ils nous font une guerre ouverte, ils viennent à nous, non plus en dragon, mais en lion furieux. Ils ne font plus de feinte avant que de porter le coup. Ils nous attaquent ouvertement, avec toute leur fierté et toute leur force et se flattent de l'espérance d'emporter par l'épouvante qu'ils nous donneront, ce qu'ils n'avaient pu obtenir par leurs artifices. C'est de ces renards changés en lions que saint Pierre a dit, « Soyez sobres et veillés, car le démon, votre ennemi, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui donc en demeurant ferme dans la foi. » 1 Pierre 5, 8. Il ne faut pas s'endormir, lorsque l'on a à combattre un tel ennemi, mais veillez et priez Jésus-Christ, ce souverain pasteur des âmes, de nous défendre contre un lion si furieux. Saint Pierre et Saint Paul nous apprennent que les armes dont nous devons nous servir pour lui résister, sont la foi. Car le démon ne sait par où nous attaquer, quand il voit que notre amour pour Dieu, qui est la vie de la foi, nous fait mépriser par notre confiance en lui, quoique nous ne le voyons point. Tout ce qu'il y a d'avantageux et de désavantageux dans le monde, La lumière que nous donne cette foi ne nous fait pas seulement connaître les périls, et nous confier en la miséricorde de Dieu, elle nous donne aussi le courage dont nous avons tant besoin dans cette guerre. Car, si lorsque les Israélites n'avaient à combattre que des ennemis visibles, Dieu commandait de renvoyer ceux qui n'étaient pas assez courageux, Deutéronome 20, à combien plus forte raison ayant à combattre, comme dit saint Paul, non contre des hommes de chair et de sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes du monde, c'est-à-dire de ce siècle ténébreux, contre les esprits de malice répandus dans l'air Éphésiens 6, 12. Devons-nous nous élever au-dessus de toute crainte? Ainsi, quoique nous devions être prosternés en esprit aux pieds de Jésus-Christ, avec une grande appréhension qu'il ne nous abandonne à cause de nos péchés, néanmoins, lorsqu'il s'agit de résister aux efforts de ces dangereux ennemis, il faut, après l'avoir appelé à notre secours, les mépriser avec un courage invincible. C'est ainsi que ce divin Sauveur en usa lui-même. Car ensuite de sa prière dans le jardin, et de cette terrible agonie, il alla au-devant des Juifs. Le principal dessein du démon dans cette tentation est de nous décourager, afin de nous porter à abandonner le bien que nous avons commencé de faire. Il prend pour cela diverses figures pour nous divertir de l'oraison. Il nous fait perdre par des bruits horribles le repos du sommeil. Ainsi que l'Écriture nous apprend qu'il arrivait à Job, il imprime dans l'esprit de telles craintes, que quelque hardi que l'on soit, elles font trembler. Il jette autrefois dans une telle tristesse, que l'on se trouve avoir le visage trempé de sueur, et l'on connaît à d'autres marques semblables, que ce loup infernal rôde autour de nous. Or, il est évident que, puisque tous ces artifices dans cette guerre tendent à nous donner de la crainte, nos principales armes doivent être une inflexible fermeté de cœur par une entière confiance, non pas en nous-mêmes, mais en Dieu. Par ce moyen, nous demeurerons victorieux, puisque la confiance surmonte la crainte, selon ce que dit l'Écriture, « Je ne craindrai point, car j'ai de la confiance. » Isaïe 12. Croyons donc certainement que nous n'aurons jamais sujet de nous repentir d'avoir mis en Dieu notre confiance, c'est-à-dire d'avoir une ferme espérance en lui, ni sujet de dire « Le Seigneur nous a trompés, car l'espérance, comme dit saint Paul, ne confond point, Romains 5, 6. Ainsi, pourvu que nous la conservions toujours, elle ne nous trompe jamais, mais nous l'abandonnons, lorsque nous perdons la charité qui est sa vie, comme elle l'est de toutes les autres vertus. Les saints pères des déserts, sachant combien cette fermeté de courage était nécessaire pour n'être pas vaincus dans les combats qu'ils avaient à soutenir contre les démons, ils allaient de nuit dans ces affreuses solitudes, faire oraison sur les sépulcres des morts, afin de se rendre les maîtres de cette crainte si redoutable. Nous n'avons pour y réussir comme eux, qu'à suivre le conseil de Jésus-Christ, qui nous a donné le moyen de nous en délivrer, lorsqu'il a dit « Ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut perdre dans l'enfer et le corps et l'âme » Matthieu 28. Celui qui ne craint pas Dieu a sujet de craindre le monde et le démon, mais celui qui craint Dieu n'appréhende point le démon, parce que la crainte est une espèce de sujétion, et que la crainte que nous avons de Dieu nous exempte de la sujétion du démon, puisqu'étant protégés de Dieu, rien ne nous saurait nuire. et que nous n'avons ainsi nul sujet de le craindre, car si un seul cheveu ne saurait tomber de notre tête sans la permission de Dieu, quel mal cet esprit malheureux nous pourrait-il faire, si Dieu ne le lui permettait? Demeurons donc toujours humiliés devant Dieu avec une crainte salutaire, et en même temps, méprisons avec un saint orgueil le démon par notre confiance en Dieu. Plus cet ange de ténèbres fera le brave, craignons le moins, et craignons davantage Dieu en implorant son assistance. C'est ainsi que faisait saint Antoine, cet illustre vainqueur des démons, car lorsqu'il l'environnait de tous côtés sous la figure des animaux les plus cruels, et semblait être prêt de le dévorer, il leur disait, « Si vous aviez quelque force, un de vous suffirait pour combattre contre un homme, mais puisque vous l'avez perdu en vous révoltant contre Dieu, vous faites bien de venir en si grand nombre pour tâcher de me faire peur. Si le Seigneur vous a donné quelque pouvoir sur moi, me voici, qui vous empêche d'en user et de me dévorer, et s'il ne vous en a point donné, pourquoi prenez-vous inutilement tant de peine ? » Ce grand saint avait accoutumé de dire que le signe de la croix et la foi qui se prend quelquefois pour la confiance, nous sert d'un mur inexpugnable contre les démons. Ainsi, encore que nos forces ne soient pas égales à celles de ces ennemis de notre salut, qui ne sont que de purs esprits, la foi nous apprend que le Seigneur est le défenseur de ceux qui espèrent en lui. Il nous a promis son secours et d'avoir toujours le cœur et les yeux arrêtés sur son Église dont le temple de Salomon était la figure. Il a le vouloir et le pouvoir d'accomplir ce qu'il promet, sans qu'aucune puissance dans le ciel ni sur la terre l'en puisse empêcher, et ce ne serait pas être chrétien que de pouvoir douter de la vérité de ses paroles, de sa bonté et de sa puissance. Mais tout ce que je viens de dire et que l'on pourrait y ajouter se doit entendre à l'égard de ceux qui sont en état de grâce, ou qui se préparent à y être, non seulement parce qu'ils croient en général la vérité des promesses de Dieu, mais parce qu'ils les regardent comme leur étant appliquées en particulier, et qu'ils ont recours à la pénitence et aux autres moyens que l'Église nous enseigne. Nous savons certainement qu'il y en a plusieurs dans l'Église qui sont en état de grâce et en qui Dieu accomplit ses promesses, faisant connaître par des effets qu'il est le protecteur et le défenseur de ceux qui espèrent en lui. Néanmoins, comme personne ne peut s'assurer sans une particulière révélation qu'il soit dans cet état de grâce, nous devons nous contenter de croire qu'il est de foi que le défaut ne saurait venir de la part de Dieu, et appréhender qu'il ne vienne de notre négligence à nous acquitter de notre devoir. Ainsi craignant à notre égard et nous confiant à l'égard de Dieu, nous tâcherons de nous rendre dignes de recevoir le secours qu'il a promis à ceux qui combattent pour lui. Quoique cette crainte et cette incertitude où Dieu nous laisse de savoir si nous sommes en grâce et s'il nous aime, paraissent rudes et pénibles, elles nous sont avantageuses pour nous conserver dans l'humilité, pour nous empêcher de mépriser les autres, et pour nous exciter à bien faire, parce que moins nous savons si nous sommes agréables ou désagréables à Dieu, et plus nous marchons avec circonspection et retenue. Mais ne vous imaginez pas, ma chère fille, que pour cela nous devions nous décourager par une vaine crainte, puisque ce que je viens de dire n'est pas contraire à ces paroles de David, « Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur, qui pourrais-je craindre ? Le Seigneur est le puissant protecteur de ma vie, qui pourrais-je redouter ?» Psaume 26, 1. Saint Paul nous exhorte aussi à nous confier en ces paroles de Dieu, « Je ne vous laisserai point et ne tout abandonnerai point, Et il ajoute, c'est pourquoi nous disons avec confiance, le Seigneur est mon secours. Je ne craindrai point ce que les hommes me pourront faire. Hébreux 13, 5. Ce n'est pas que ces paroles ou autres semblables de l'Écriture, qui nous sont si favorables, doivent nous délivrer de toute crainte, puisque nous devons toujours nous défier de nous-mêmes, mais elles doivent nous délivrer d'une crainte excessive par notre confiance en Dieu. Ainsi, il faut marcher entre la crainte et l'espérance, et comme plus l'amour croît, plus l'espérance croît aussi et la crainte diminue. Le moyen d'acquérir cette force et cette assurance qu'on l'est parfait de bannir la tiédeur et d'embrasser la vertu, car alors, quoique le démon fasse tous ses efforts pour nous dévorer, nous le combattrons à force ouverte et sans rien craindre, par la confiance que nous aurons en ce fort lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ, notre défenseur et notre roi, qui nous rend toujours victorieux, à moins que nous manquions de confiance en lui et que nous soyons si lâches que de nous rendre sans combattre, misérablement esclaves de nos ennemis. Dieu ne permet que pour le bien de ceux qu'il aime, qu'ils se trouvent engagés dans ces combats et souffrent ces tentations, car il est écrit, heureux celui qui souffre patiemment les tentations et les maux de cette vie, parce que lorsque sa vertu aura été éprouvée, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Jacob 1, 12. C'est ainsi qu'il veut que la patience dans les travaux et le courage dans les tentations soient comme la pierre de touche qui éprouve la fidélité de ceux qui l'aiment, car ce n'est pas dans la prospérité, mais dans l'adversité que l'on fait connaître que l'on aime véritablement, et comme les hommes se réjouissent d'avoir des amis dont ils ont éprouvé l'affection dans la mauvaise fortune, Dieu se réjouit d'avoir des serviteurs fidèles. Jésus, Christ a fait voir combien ils lui sont agréables, par ces paroles qu'il a dites à ses apôtres. C'est vous qui êtes toujours demeuré ferme avec moi dans mes tentations et dans mes maux, c'est pourquoi je vous prépare le royaume comme mon Père me l'a préparé, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, Luc 22, 28. Puis donc si nous l'accompagnons dans ses travaux, nous l'accompagnerons dans son royaume, ne devons-nous pas soutenir courageusement les efforts que feront les démons pour nous séparer de lui, avec une ferme confiance qu'il nous assistera dans nos combats sur la terre et nous récompensera dans le ciel? Souvenons-nous de saint Antoine qui, après que les démons l'eurent déchiré de coups, vit le toit de sa cellule s'ouvrir, et entrer par cette ouverture un rayon étincelant d'une si vive lumière que les démons n'en pouvant soutenir l'éclat, prirent la fuite. La douleur de tant de plaies qu'il avait reçues cessant aussitôt, Jésus-Christ lui apparut, et alors, jetant un profond soupir, il lui dit, « Où étiez-vous, Seigneur, lorsque ses ennemis m'ont traité si cruellement ?» Si vous aviez été présent dès le commencement du combat, je n'aurais rien eu à craindre, ou si vous leur aviez permis de me faire des blessures, vous les auriez guéris en même temps que je les aurais reçus, à quoi Jésus-Christ répondit, Antoine, j'ai toujours été présent, mais je voulais éprouver votre courage, et, parce que vous avez combattu généreusement, je vous assisterai toujours et rendrai votre nom célèbre dans toute la terre. » Ce saint n'eut pas plutôt entendu ces paroles, qu'animé de la vertu du Seigneur, il se leva et se trouva beaucoup plus fort qu'il n'était auparavant ce combat. C'est ainsi que Dieu traite ceux qui sont à lui, Il les laisse quelquefois dans une telle appréhension et en tel état, qu'ils ne savent plus que devenir. Il ne leur reste pas la moindre force. Les faveurs qu'ils ont auparavant reçues de Dieu leur sont inutiles, et ils se trouvent dans un tel abandon et de si épaisses ténèbres, qu'ils se voient près de succomber sous les efforts de leurs ennemis. Mais tout d'un coup, et lorsqu'ils l'espèrent le moins, Jésus-Christ vient à leur secours, les délivre de toutes leurs peines, les rend plus forts qu'ils n'avaient jamais été, et met sous leurs pieds ces démons qui semblaient leur marcher sur la tête. Ainsi, bien que par leur nature ils n'aient pas tant de force que ces malheureux esprits, ils se sentent en avoir une si grande, que non seulement l'un d'eux, mais plusieurs ensembles ne seraient pas capables de leur résister. Tant est puissant ce secours qu'ils connaissent leur être venu du ciel. Ils ne se contentent pas de se défendre, ils pourraient même dire avec David, « Je poursuivrai mes ennemis, et ne retournerai point que je ne les ai vaincus, je les percerai de coups, ils ne pourront se relever, et ils tomberont à mes pieds. » Psaume 17, 41. Rien ne nous peut être aussi avantageux que ce que saint Augustin demandait à Dieu, en disant, Accordez-moi, Seigneur, la grâce de vous connaître par une connaissance qui me remplisse d'amour pour vous, et de me connaître moi-même. Mais qui peut nous donner tant de moyens de nous connaître nous-mêmes, que de nous trouver réduits dans l'extrémité dont j'ai parlé, d'être détrompés de l'estime que nous avions de nous par l'expérience de notre faiblesse ? Et d'autre part d'avoir éprouvé combien Dieu est fidèle en ses promesses, quel est le secours dont il nous assiste dans notre besoin, quelle est la force incroyable qu'il nous donne lorsqu'il ne nous en restait plus, et quel est l'excès de sa miséricorde, qui nous relève et nous soutient lorsque nous étions dans une entière défaillance. Cette connaissance de notre extrême misère et de l'infinie bonté de Dieu nous fait, avec une humilité profonde et prosternée le visage contre terre, l'adorer, l'aimer et espérer qu'il continuera de nous secourir dans les autres périls où nous pourrons nous trouver. C'est ce que saint Paul rapporte par ses paroles lui être arrivé. Je suis bien aise, mes frères, que vous sachiez l'affliction qui nous est survenue en Asie, elle a été telle, que la pesanteur des maux dont nous nous sommes trouvés accablés a été excessive et au-dessus de nos forces, jusqu'à nous rendre même la vie ennuyeuse. 2 Corinthiens 1, 8 Mark M. Dan, archive.org. D'après les œuvres très complètes de Sainte Thérèse, Tome 4, 1845, Abbé Migne, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.